Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. Ça c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30, passé de quelques minutes, ou sur le site asile35.blogspot.fr ou sur le mixcloud.com/renman. Ça c'est pour les gens qui écoutent à partir d'internet, les podcasts qui sont à jour et qui sont mis en général en ligne en fin de chaque semaine. Et on démarre sans plus attendre la programmation de réjouissances hebdomadaires avec une formation de Auckland et Dunedin, dans le pays des Kiwis, la Nouvelle-Zélande, sur la côte sud très exactement. Un pays et une région qui ont engendré quantité de formations mutantes, avec des pratiques assez étranges également, de la noise ultra lo-fi, et complètement aux antipodes des conventions du rock traditionnel. Je pense notamment à la musique de The Dead Sea. Et donc on va écouter, pour démarrer l'asile de cette semaine, The Coolies, un groupe qui existe depuis la fin des années 90 et qui n'échappe pas à cette règle. Stéphane Neville, alias Pumice, a été leur batteur pendant près d'une décennie avant de faire cavalier seul sous cet alias. Et les Coolies ont sorti deux opus longs précédemment, ainsi que deux 45 tours. Ils ont splitté vers 2005, puis se sont reformés à la fin des années 2000. Donc une vie un petit peu tourmentée. Et donc c'est leur troisième disque qui sort ces jours-ci sur étiquette Noise américaine, l'excellent label disquaire Feeding Tube, sous le titre Kaka avec deux K. Imaginez la rencontre entre les Shags et Pussy Galore, bref, de l'excellent garage noise noyé dans la saturation. On écoute le titre qui démarre cet album des Coolies, le disque Kaka, et le titre Scorpio Ten. We'll be right back. faisait vraiment le grand écart dans la séquence qui démarrait l'Asie le plus sûr, avec deux titres aux ambiances assez dissemblables, et on mélangeait donc un peu les goûts et les pistes avec tout d'abord The Coolies et l'album Kaka. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça s'écrit avec deux A, c'est un vinyle qui sort sur Feeding Tube, le projet de mesdames Sionel Timou et Tina Piema, guitaristes et vocalistes, qui sont accompagnés par un batteur. Alors je ne sais pas si c'est Stéphane Neville qui est revenu, en tout cas c'est lui qui produit cet excellent disque Kaka, qui est vraiment très bon de bout en bout. Ça me donne envie d'aller écouter les deux précédents disques, donc produits par l'excellent disquaire producteur spécialisé en noise de traverse, dont je suis activité tous les mois, Feeding Tube. Et donc The Coolies, qui est un groupe originaire de Nouvelle-Zélande, dans la noise bancale et sursaturée, comme vous avez pu l'entendre, qui était enchaîné avec Esmerine, l'ensemble de rock de chambre basé à Montréal, qui remet le couvert avec Lost Voices ce mois-ci, qui sort sur leur écurie Constellation, comme les deux précédents qu'on vous avait d'ailleurs proposé ici même en 2011 et en 2013, notamment l'excellent disque La Lechuza, où il reprenait certains titres du répertoire de la chanteuse disparue Lacha. Donc un combo d'instrumentistes qu'on retrouve dans quantité de formules du post-rock bien connu canadien, notamment les Set Fire to Flames, God of Speed You, Black Emperor, Land of Kush, Saltland, j'en passe, et des pires. Donc plutôt des instrumentistes classiques, violoncelle, violon, marimba, mais avec une approche plutôt musique nouvelle, matinée donc de post-rock, et un certain sens des arrangements assez chatoyants. Donc pour ce disque Lost Voices, une approche résolument plus rock que les précédents, avec l'incorporation de pas moins de trois guitaristes différents, enfin selon les plages, et quelques invités dont la violoniste Sophie Trudeau, qui fait elle-même partie de Godspeed You. Un disque assez classieux, mais vraiment très très bon, et à tiroir, à découvrir donc ce Lost Voices de Esmerine. On va continuer avec une compilation du magazine anglais The Wire. La semaine dernière, je vous ai proposé la compilation du Wire Taper, qui accompagne la livraison du mois de novembre, qui paraît en kiosque, donc avec ce CD gratuit. Et là, je propose la compilation Below the Radar de 18 titres, dont les 4/5 d'inédits dans les nouvelles musiques brésiliennes, offertes en téléchargement aux abonnés du magazine anglais également, donc pour ce mois d'octobre-novembre. Et on y trouve à peu près tout ce qui peut bouger dans l'expérimental brésilien actuel, depuis de la tech hip-hop non formatée à de la harsh noise ou de l'expé électronique, donc des musique un peu tous azimuts, et quelques titres d'avant-rock comme le combo qu'on va écouter tout de suite, le Chinese Cookies Poets, un power trio de Rio de Janeiro qu'on retrouve ici en compagnie de l'ex-guitariste d'Harry Pussy, Mr. Bill Orcutt himself, dans une performance enregistrée live au festival Nova Frecuencias pour son édition de l'an dernier. Et cette compilation a justement pour intention de mettre en lumière ce festival d'expérimentation organisé donc à Rio de Janeiro entre le 1er et le 8 décembre prochain. Donc si vous ne savez pas quoi faire sur cette période, n'hésitez pas à m'appeler. On pourra y aller ensemble, et on écoute un extrait de cette collaboration qui devrait se fendre d'un 45 tours programmé en début d'année 2016. Et pour patienter, donc on écoute cet inédit extrait de cette anthologie Below the Radar spéciale édition Novas Frequencias, donc le titre I Am Done par le Chinese Cookies Poets et Mr. Bill Orcutt. We'll be right back. petite triplette de titres enchaînés qui a démarré avec tout d'abord le Chinese Cookies Poets en compagnie de Bill Orcutt, donc un titre qui se retrouve sur une compilation du magazine anglais The Wire, compilation en téléchargement pour les abonnés pour la période, pour cet automne, sous le titre spécial édition Nova Frequencias, donc consacré à la scène brésilienne expérimentale dans tous les horizons. Et c'était enchaîné avec la musique de la formation américaine Spray Paint, le combo noise punk ou post-punk d'Austin, qui existe depuis 2-3 ans et qui en est déjà à son 5e opus, avec pas moins de 3 albums qui sont sortis consécutivement en moins d'un an. Je me souviens qu'on diffusait le disque qu'ils avaient sorti fin 2014, c'était à peu près la même période, vers le 20 octobre de l'année dernière, dans les îles le plus sûr, pour le disque Clean Blood Regular Acid, qui nous avait permis de les découvrir, qui était sorti chez Monophonus Press en vinyle. Et depuis, ils ont récidivé avec un disque qu'on vous a proposé aussi au printemps, sorti début juin sous le titre Punters on a Barge, sous le label Homeless Vinyle. Et donc là, c'est encore Monophonus Press, l'excellent label qui s'y recolle, avec un disque assez différent pour les Spray Paint, beaucoup moins percutant, peut-être plus posé aussi, enregistré à Sacramento. Alors je ne sais pas si ça a une quelconque incidence sur leur musique, la Californie ayant peut-être un côté moins acéré que le Texas. En tout cas, selon George Dischner, Chris Stephenson et Corey Plump, it's time to put the dog down. Je ne sais pas trop comment traduire ça, en tout cas il faut reposer le chien. Et donc on est plus dans des atmosphères un peu malsaines, down tempo, pour ce nouveau disque des Spray Paint, qui est un tantinet en dessous du précédent, que j'avais beaucoup aimé, Punters on a Barge, ce nouvel album donc qui sort ces jours-ci sur Monophonus Press sous le titre Dopers. Et on a terminé avec la musique de Monsieur William Bennett, ex membre de White House, formation dans l'ultra noise industriel des années 80, et son projet Cutterns, qui existe depuis 3-4 ans. On dit aussi parfois DJ Cutterns, sorti des EP et aussi des albums longs qui réunissent un peu tout ça. Et je propose Cutterns à l'occasion du festival Soy, édition numéro 13, le festival nantais qui aura lieu cette semaine entre le 28, ce mercredi, et le 1er novembre, dimanche. Et Cutterns sera en concert samedi 31, donc samedi prochain, au lieu unique de Nantes, en compagnie de Girl Names, de Speedy Ortiz et de The Wharves. Donc une soirée un peu dans les mélanges entre new wave, folk, noise pop et électronique industrielle. Voilà pour le festival Soy. Je peux vous dépiler toute la programmation, des choses plutôt pas mal comme chaque année. On va enchaîner avec la musique de l'américain Tom Carter, qui est de retour pour un double disque solo qui est vraiment somptueux, sous le titre Long Time Underground, qui vient tout juste de paraître sur le label qui illustre beaucoup la musique psyché-folk américaine, Three Lobed Recordings. Ça sort donc en double vinyle, ce disque de Tom Carter, ex-membre de la formation Charlam Bides, aux côtés de son ex-compagne avec laquelle il a eu ce groupe entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000, Christina Carter. Et depuis, il a entamé une carrière solo qui a été qui a subi un coup d'arrêt assez brutal il y a de ça 3 ans, quand il a été pronostiqué comme étant atteint de pneumonie. Voilà, donc il a été assez secoué, hospitalisé à Berlin. Une campagne de dons, vu la couverture sociale et de santé américaine, évidemment, plutôt au ras des pâquerettes. Donc il a mis beaucoup de temps à revenir à la musique, et plutôt épaulé par ses amis de la scène musicale un peu psyché folk américaine, notamment des collaborations aux côtés de Pat Murano ou encore de Jackie O Motherfucker ou Elena S. Ball, et donc assez peu de choses en solo. Et ce double disque sous le titre Long Time Underground est vraiment magique. C'est vraiment le grand retour de Tom Carter, et un peu une très très belle illustration de ce qu'on appelait à une certaine époque l'Americana. On écoute le titre August Is All de Tom Carter, et c'est vrai qu'on aimerait bien être encore au mois d'août. Thank you. Thank you. Et voilà, on s'embarque à vous passer des morceaux qui font pas loin de 22 minutes. On se dit qu'on va les couper bien avant la fin, puis on se laisse emporter par la musique assez cosmique, je dois dire, de ce double album brillantissime de l'ex Charlemagne's Tom Carter, même si je ne sais pas vraiment si Charlemagne's est décédé, qui sortait des disques plutôt dans les années 2000, notamment sur Cranky. Mais Tom Carter a une carrière bien à lui, des collaborations et des choses en solo, mais solo très habité, à l'image de ce Long Time Underground qui vient tout juste de voir le jour sur étiquette Three Lobed Recordings. Excellent double album vinyle en coproduction avec Divide by Zero, qui est une étiquette discographique qu'on connaît pas d'ailleurs vraiment. Quant à Three Lobed Recordings, c'est eux qui produisent à peu près tout ce que le monde anglo-saxon peut compter de rock et de folk psychédélique, néo-psychédélique, à l'image de la musique de monsieur Tom Carter. Voilà, on va continuer avec une séquence cette fois nettement plus électronique, qui va démarrer avec un peu de dark ambiante, si on veut, et le projet Land et le disque Anoxia qui sort ces jours-ci sur le label Important Records. Land, qui est le projet du sound designer américain Daniel Lee, en compagnie d'une flopée de musiciens et pas des moindres. Sur ce deuxième disque, il y a notamment Clive Bell à la flûte japonaise shakuhachi, ainsi que des percussionnistes, clarinettistes, violoncellistes, le tout retraité par l'électronique de ce londonien qui a perdu d'ailleurs sa moitié, lui aussi, son acolyte Matthew Waters, avec lequel il avait publié le premier opus de Land. C'était sorti également chez Important Records en 2012, je crois, sous le titre Night Within. En tout cas, donc, un musicien électronique très très proche de David Sylvian, également de Daniel O'Sullivan, Dulver et compagnie, et qui s'est vraiment s'entourer, puisque cet album a été mixé par Ben Frost et masterisé comme de juste par Rachad Baker. Alors j'avais hésité à vous proposer un titre, et puis finalement j'ai changé d'avis, donc je vous propose le titre Neutra, extrait de ce Anoxia du projet Land. On écoute ça tout de suite. Thank you. Séquence comme on les aime dans l'asile le plus sûr, histoire de se mettre la tête dans un caisson, plutôt dans le domaine des musiques électroniques anaérobie, on pourrait dire, à l'image de ce disque Anoxia, qui veut dire le milieu en absence d'oxygène, et le projet Learned du sound designer britannique Daniel Lee. C'est un nouveau disque, un second disque qui paraît sur le label Important à la fin du mois d'octobre, qui était enchaîné avec de la musique espagnole électronique un peu primitive des années 80, le projet Mecánica Popular, et le disque qui est succédé con el tiempo de 1984, qui revoit le jour grâce aux bons soins de monsieur Andy Vautel et sa subdivision Dead, certes consacrée un peu au projet électronique revival des années 60-70 et années 80. Donc un projet Mecánica Popular espagnol, comme je disais, créé en 1978 par Luis Delgado, qui fut membre du groupe post-punk espagnol Finis Africae, et Eugenio Munoz. Ils ont sorti trois disques, celui-ci était le premier publié à l'époque, donc sur la fameuse étiquette qui se consacrait à la défense et l'illustration de la musique New Wave espagnol Draw. Ils avaient sorti aussi un disque sur Grabaciones Accidentales, également un disque chez Warner Music bien plus tard en 2010. Voilà donc pour Mecánica Popular. Musicalement, on pense à un croisement entre Conrad Schnitzler, la musique aussi que pouvait produire Craig Leon à la même époque, ou à des trucs un peu plus contemporains aussi, tels que Fotek. Et à noter que ce disque avait été enregistré dans les temps morts, principalement la nuit, des studios RCA de Madrid. Voilà l'excellent disque qui est succédé qu'on a le tempo, avec deux points d'interrogation, l'inversé et le normal, de ce groupe Mecánica Popular. Et on a terminé avec un projet qu'on vous avait déjà passé il y a de ça quelques semaines, le nouveau disque de la formation Whiteout, constitué d'un batteur assez connu dans le milieu de l'impro free, notamment aux côtés des gens de Sonic Youth, Tom Surgall, et sa camarade de jeu à l'électronique Lynn Culberson. Ensemble, ils avaient sorti un certain nombre de disques sur Ecstatic Peace, en compagnie principalement de guitaristes tels que Jim O'Rourke, et aussi le percussionniste contemporain William Winant, par exemple. Et ils reviennent ce mois-ci avec un nouvel album sous étiquette Northern Spy, cette fois en compagnie du guitariste guitariste Nels Klein. L'album s'intitule Accidental Sky. Il est vraiment très très bon. Guitare nimbée d'improvisation électro-acoustique par le duo White Out. Voilà, on va continuer avec une séquence de free jazz et la musique de l'excellent trio Free basé à Austin, mais suédo-norvégiano-américain The Thing, qui revient avec un nouvel album sous le titre Shake, avec un point d'exclamation sous étiquette Trotst ou encore The Thing Records, qui est la subdivision du label autrichien qu'ils ont créé en 2013. Donc le retour du sax ténor baryton Mats Gustafsson, très très en forme, en compagnie de son camarade de bassiste électrique et électro et acoustique Ingebrigt Åkerflaten, et du batteur, l'inénarrable batteur Paul Nissenlove. Je propose d'écouter un titre extrait de ce Shake par The Thing.

petite séquence de jazz free et contemporain pour conclure l'asile comme régulièrement, avec tout d'abord la formation The Thing, les Vikings du free jazz, on pourrait dire, excellent combo qui existe depuis une bonne dizaine d'années, sorti pas mal de disques, notamment sur Small Town, Super Sound, seul ou accompagné notamment de Ken Vandermark, Otomo Yoshide, Barry Guy ou encore même Néné Chéri. Celui-ci s'intitule Shake, ils sont là uniquement en formation trio et ça sort sur étiquette Trust et en coproduction avec leur propre label The Thing Records. Et on a enchaîné avec un disque que je vous avais déjà proposé, l'excellente formation du batteur originaire de Chicago et descendant d'une longue lignée d'Assyriens installés aux États-Unis, Michael Zerang et son The Blue Lights, excellente musique qui mélange jazz free et aussi un peu ambiance orientale. On le retrouve aux côtés de Mars Williams, de Dave Rampis, ça c'est pour les soufflants, également Josh Berman au cornet et Ken Kessler à la contrebasse. Et là on écoutait la cassette, il y a un CD sous le titre Songs from the Big Book of Love, et là c'était l'autre disque Ash Eaters and Peacekeepers. Voilà, l'émission touche quasi à ses fins. Juste pour vous donner deux annonces concerts rapidement, une soirée à ne pas manquer demain soir au Barrick à Rennes, en haut de la place d'Hélice, organisée par la compagnie L'Échelle de Jacob, qui invite deux formations de Noise de Traverse, la formation je crois qui sont de Bourg-en-Bresse, Nice et Poil, qui eux sont de Lyon. Tout ça donc au Barrick pour 5 €, ce sera donc demain soir 27 octobre, et une soirée aussi au Terminus ce samedi 31 octobre, donc 78 rue de Riaval dans le quartier Sud-Gare, avec notamment le Phaser Murphy, le projet du révérend Freddy Murphy et de Charlie, groupe de noise occulte italien, qui sera en compagnie de Vissère et de Satan. Démarrage à 19h pile poil au Terminus, clôture à 22h30 des hostilités, mais évidemment possibilité de continuer, de prolonger la nuit bien plus tard. On va se quitter avec un dernier titre, juste pour vous rappeler que les playlists et les podcasts sont accessibles à partir du site asile35.blogspot.fr. On se quitte cette semaine avec une séquence d'ambiance électronique, et on retrouve Janek Schaeffer, qu'on avait eu l'occasion de voir au printemps l'année dernière au Bon Accueil, en compagnie de deux Australiens, DJ Olive et Lawrence English. C'est un mini-album en téléchargement sur le label Room 40, dont s'occupe Lawrence English, un enregistrement en concert en live à l'Opéra de Sydney, s'il vous plaît. On se quitte donc avec ce 3x3 et le morceau tout bonnement intitulé 3. Je vous souhaite une excellente nuit, une très belle semaine. À bientôt.